Togo, d'où Iman. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 28 octobre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. Plus de 400 000 enfants ont abandonné l'école dans les provinces situées sur les frontières électriennes de l'Or, et cela durant la période 2012-2018, et malgré la gratuité des frais de scolarité et l'introduction des cantines scolaires. Vous entendrez le coup de gueule du représentant légal de l'association Afachevig, auteur d'une étude là-dessus. Et les super-agents de l'UMICACH annoncent l'arrêt de leur travail à partir de ce 1er novembre. Ils ne sont pas d'accord avec leur partenaire Limitel sur le nouveau contrat. Et les agences du système des Nations Unies au Burundi vont appuyer le recensement général de la population, l'habitat, l'agriculture et l'élevage prévu en 2022. Annonce faite ce jeudi lors d'une table ronde organisée à l'intention des partenaires techniques et financiers. Et en République démocratique du Congo, le colonel Paul Milamboué accepte de comparaître dans l'affaire d'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. En cavale en Belgique depuis quelques années, il est attendu à Kinshasa entre le 15 et le 20 novembre. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Intempérie pour ouvrir ce journal, cette salle de classe des écoles fondamentales Gihogazi et Rambaye. 27 maisons d'habitation ont été détruites dans la commune Gihogazi de la province Karoussi suite à de fortes pluies mêlées de vent et de grêle tombées mardi et mercredi. L'administrateur de cette commune confirme ce bilan de dégâts et indique que les maisons des citoyens ont été détruites au chef-lieu de la commune à Kigwati et sur les collines de Wikinga et Murago. Il informe aussi que plusieurs champs de culture variés ont été très endommagés. Frédéric Ndikimine demande à l'État et aux autres organisations charitables de secourir cette population en détresse. Et des champs de différentes cultures s'étendant sur une superficie de 45 hectares, endommagés, 17 maisons d'habitation de la population détruites et 5 salles de classe dont les toits se sont envolés. Voilà le bilan des dégâts causés par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur différentes collines de la commune Kayanza ces derniers jours. Gilbert Nyandoui, administrateur de la commune Kayanza, demande aux victimes, surtout à ceux dont les cultures ont été endommagées par ces fortes précipitations, de semer de nouveau des cultures non pérennes. Cet administratif communal à Kayanza appelle la population qu'il dirige à la solidarité locale. Les enfants ayant abandonné l'école dépassent 400 000 dans les provinces situées sur les frontières et celles où l'on extrait de l'or. Durant la période 2012-2018, malgré la politique de gratuité des frais de scolarité et l'introduction des cantines scolaires, le représentant légal de l'association Afachevig qui a mené cette étude trouve que l'État devrait rendre obligatoire l'éducation et de punir un parent qui laisse son enfant abandonner l'école. Écoutez-le au micro d'Arthur Kavaouche. Au niveau de notre étude que nous avons menée l'année passée, 2012-2018, la province de Tchankouzo, il y a eu 20 539 filles et 25 378 garçons. La province de Makamba, pour les filles, il y avait 26 668 filles et 36 516 garçons. Muyinga, c'est une province aussi frontalière, mais aussi une province où il y a exploitation de minerais. Il y avait 58 793 filles et 66 710 garçons qui avaient abandonné durant cette période de 2012 à 2018. Pour Ouyigi, on avait 42 252 filles et 48 475 garçons. Pour ces 5 provinces, nous avons un total de 439 913 enfants qui avaient abandonné l'école. Et les raisons ou les causes sont multiples. C'est notamment la pauvreté des menaces. Dans les provinces limitrophes, par exemple, avec la Tanzanie, on observe les enfants qui abandonnent l'école pour aller chercher de l'emploi en Tanzanie. C'est le cas de Makamba, Ruyigi, Tchankouzo, mais aussi dans les provinces où il y a exploitation des minerais, notamment comme Muyinga ou Chibitoke. Et ce sont cela, ces différentes causes que nous avons pu enregistrer, malgré les efforts qui sont faites par notre gouvernement en rapport avec la suppression des frais scolaires, mais aussi la mise en place des cantines scolaires. Alors, ce qu'il faut faire, les parents doivent être sensibilisés et savoir que la base, le fondement de tout, c'est l'éducation de leurs enfants. La communauté doit aussi contribuer à éradiquer ces phénomènes d'abandon. Au niveau du gouvernement, puisque l'éducation, c'est un droit. Et alors, le parent lui-même il devient responsable, il ne va pas accepter qu'il puisse être puni, puisque son enfant ne veut pas aller à l'école, il va l'obliger à aller à l'école. Jean Samandari, c'est le représentant légal de l'association Bafashebig. Les compétences acquises sur les procédures de passation et gestion des marchés publics vont faciliter l'accomplissement des tâches assignées aux bénéficiaires de la formation en cette matière. Témoignage de certains avocats de l'État et des responsables de la cellule de gestion des marchés publics au sortir de la session de renforcement des capacités qui a duré 3 jours à Karoussi en matière de marchés publics à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme comme au ministère de la Justice organisateur. On leur demande d'en faire un bon usage pour le bien public. Jean de Dieu, Irakotse. Au sortir de la session de renforcement des capacités de 3 jours à Karoussi ce mercredi sur les procédures de passation et de gestion des marchés publics, certains participants bénéficiaires renforcés en ce domaine font savoir que cette formation leur aidera à l'accomplissement de leur profession puisqu'ils ne l'étaient avant. Balita Tira Prosper est l'un des avocats de l'État bénéficiaire. En tant qu'avocat de l'État, au sortir de cette formation, nous sommes rassurés que nous avons maintenant des compétences et des capacités suffisantes pour défendre les intérêts de l'État, puisque nous le faisons avant, en matière de litiges qui peuvent naître de la passation ou de l'exécution des marchés publics. Les bénéficiaires de la dite session sont appelés à en faire bon usage par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et le ministère de la Justice, tous organisateurs. Diomède Vieziguiro est le directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de la Justice. Nous apprécions les enseignements eus et j'interpelle encore une fois mes consoeurs et confrères de les mettre en pratique à les transformant en gestes professionnels au bénéfice du peuple burundais. Les gestes professionnels qui vont dorénavant nous caractériser dans la défense des intérêts de l'État, surtout dans les dossiers ayant trait au marché public, démontreront que tout peuple burundais est maître des biens de l'État. Cette session tenue en province Karoussi est la deuxième après celle effectuée en province Makamba il y a 2 mois. Depuis Karoussi, Diane de Dieu Irakodze pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les super-agents de l'UMICASH vont arrêter leur travail à partir de ce 1er novembre. Ils disent que le nouveau contrat avec leur partenaire Limitel contient beaucoup de dispositions qui ne les satisfont pas, comme surtout le non-remboursement de l'argent en cas d'erreur. Raïssa Liliane, Inamaur. Ces super-agents de l'UMICASH indiquent qu'ils ont décidé de suspendre leur travail suite au nouveau contrat exigé par leur partenaire Limitel, qui est émaillé de certaines irrégularités, comme le non-remboursement de l'argent dans le cas d'erreur ou de vol. Celle-ci est l'une des super-agents. Ça fait à peu près un mois qu'il y a ce problème. On nous a demandé de chercher les NIF et registres de commerce et de faire signer ces documents chez le notaire. Mais c'est difficile pour un agent de Makamba qui doit venir à Bujumbura pour avoir ses documents à l'OBR. Elle précise que la perte sera énorme pour tous les usagers du service Lumicash dans le cadre de la suspension de ce service de transfert électronique d'argent. Cette dernière demande au gouvernement de s'impliquer pour trouver solution à ce problème. Nous demandons à l'État de dialoguer avec la compagnie Lumitel afin de trouver une solution. La compagnie Lumitel a toujours eu des problèmes. Nous perdons notre argent et nos unités sans possibilité de les récupérer. La décision d'arrêter le travail par les super-agents de l'UMICASH sera exécutée depuis le 1er novembre 2021. Ils exhortent les usagers de l'UMICASH qui ont de l'argent dans leur compte de faire le retrait avant que cette mesure ne soit mise en vigueur. Merci Liliane. Plus de 70% des coopératives sanguines en province de Ngozi ont réalisé des bénéfices sur les 10 millions reçus comme crédit d'après le représentant provincial de ces coopératives. Michel Senguyonva note néanmoins d'autres qui sont tombés en faillite à cause des maladies épidémiques et des perturbations climatiques pour les agro-éleveurs. Sans oublier l'inexpérience dans la gestion des coopératives, il envisage de renforcer l'encadrement de ces dernières pour plus de performance. Apollinaire Montsakara. Toutes les 298 collines qu'a la province Ngozi ont reçu le crédit de 10 millions donnés aux coopératives Sangwe, une somme affectée en grande partie dans l'agriculture et l'élevage, d'après le responsable de Sangwe dans cette province, Michel Nsengiyumva. Ça n'est pas franchi, car 70,9% de ces coopératives ont déjà réalisé un gain de 2 millions et plus. Il y en a de ces coopératives certaines qui boivent un peu et d'autres qui sont déjà tombées en faillite. Au nombre de 6 en province Ngozi, ces dernières n'ont actuellement que moins de 5 millions de fambou sur le capital de 10 millions reçus, déplorent-ils. Bon nombre de celles en faillite sont de la commune Moussiga. C'est au moment où la commune Nyamurenza prend la tête de liste sur les 9 communes que compte Ngozi en ce qui est de la réussite selon toujours son responsable. Parmi les causes de l'échec, des maladies épidémiques et changements climatiques pour les agro-éleveurs, l'absence des hangars pour le stockage de la récolte, notamment pour la pomme de terre, une faible capacité dans la gestion des coopératives et autres, d'après Michel Saint-Guillaume. Pour plus de succès, il compte le renforcement de l'encadrement, plus de séances de formation des leaders de ces coopératives sur la gestion des coopératives, sans oublier la cartographie culturelle et pastorale et d'autres stratégies. Les coopératives ayant réussi n'attendent que le numéro de compte en création pour le remboursement de son premier crédit. Michel Saint-Guillaume va demander aux responsables de ces coopératives plus de rigueur dans la gestion en ce moment où la deuxième tranche de crédit est déjà sur le compte. Les coopératives de Sangwe comptent actuellement 77 292 membres sur la population totale de 900 000 personnes. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et le Premier ministre burundais Alain Guillaume Wignonné appelle les partenaires techniques et financiers d'appuyer le gouvernement du Burundi durant le recensement général de 2022. C'était ce jeudi lors d'une table ronde organisée pour mobiliser les appuis techniques et financiers de cette activité. Alain Guillaume Wignonné a indiqué que le coût total de ce recensement s'élève à plus de 50 milliards de francs burundais. Écoutez-le. Les Nations Unies lancent un appel vibrant et recommande à tous les pays de faire le recensement général de la population tous les 10 ans afin de disposer des données socio-économiques exhaustives permettant une bonne prise de décision en matière de planification, de suivi, évaluation des projets et programmes de développement, que ce soit au niveau central qu'au niveau déconcentré. Le recensement de 2022, qui fournira d'abord des données socio-économiques de base désagrégés pour l'analyse des questions de population, de développement et de genre, les analyses spatiales et la cartographie des infrastructures sociales de base, ainsi que le suivi de la pauvreté, sera couplé pour la première fois au Burundi au module de base agriculture et élevage, qui conduira aux autres étapes du recensement général de l'agriculture. Lors du lancement officiel de ce recensement, le 10 septembre dernier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous a invité à soutenir le Burundi, surtout son gouvernement responsable et laborieux, dans ce vaste et lourd chantier statistique pour qu'il se fasse dans les délais prévus. C'est donc aujourd'hui le moment propice de vous renouveler au cours de cette table ronde ce vœu et cette invitation d'appuyer et accompagner l'État techniquement et financièrement durant toutes les étapes de notre recensement pour l'année 2022, dont la réussite demande d'importantes ressources humaines, matérielles, logistiques et financières. Pour ce qui concerne l'État, en plus des compétences nationales, il a déjà disponibilisé pour cette année budgétaire 2021-2022 un montant de 2 milliards de francs burundais et compte poursuivre la mobilisation de tous les moyens nécessaires à l'atteinte des résultats escomptés qui sont évalués auprès de 50 milliards de nos francs. Le Premier ministre Alain Guillaume Wignonné, vous saurez que ses partenaires techniques et financiers comme les agences des Nations Unies ont accepté d'appuyer tout le processus de recensement, mais aussi de continuer à faire le plaidoyer auprès des Nations Unies pour que les programmes de développement ne reçoivent des financements. La route reliant la zone Buterere et la colline de Mouwene à mairie de Bujumbura est praticable malgré les immondices entassés tout près de cette dernière. Les habitants de cette localité demandent aux services municipaux chargés de l'hygiène de dégager ces immondices à tout moment pour faciliter la circulation des personnes et des biens. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Cette route qui était abandonnée relie la zone Buterere et la colline Mubone. Ceux qui empruntaient cette route signalent que les immondices qui étaient déposés dans cet endroit ont fait que la route soit oubliée. Après les travaux communautaires, les autorités zonales et les citoyens ont enlevé une partie de ces immondices et aujourd'hui la route est utilisée par les citoyens. C'était une montagne qui mesurait plus de 2 mètres de hauteur. Il a pris une partie. Les gens y passent bien, les vélos, les motos. Aujourd'hui, la route est praticable. À ce moment, nous avons essayé de tracer le chemin pendant les travaux communautaires, même si cela ne suffit pas. Il demande au gouvernement de trouver une machine qui peut aider pour enlever les immondices qui se trouvent dans une autre partie afin que les gens y passent sans problème. Nous demandons au gouvernement de nous envoyer une machine pour enlever ces immondices afin que cette route soit praticable. Je suis citoyenne d'ici à Nyarumanga. Vraiment, qu'il fasse tout moyen possible pour enlever cette immondice, et ça me fera plaisir. Seleman, chef collinaire Nyarumanga, précise qu'ils ont essayé d'enlever les immondices selon leurs moyens et ont tracé un chemin pour faciliter la circulation. Lui aussi demande à l'État de leur trouver une machine pour enlever les immondices qui sont restés. Cette route qui facilitait la circulation des habitants venant de Buterere pour se rendre à Mubone était devenue impraticable à cause des immondices devenus une montagne. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, de nouvelles informations apparaissent à chaque audience du procès Tshebeya Bazana, notamment sur certains faits dans la nuit du 1er au 2 juin 2010, date de l'assassinat des deux défenseurs des droits de l'homme. Surtout l'un des accusés en cavale est condamné par contumace à la peine capitale il y a quelques années. Le colonel Mwilambwe a pris la décision de comparaître volontairement. Il devrait donc être entendu dans les tout prochains jours. De la Belgique, où il se trouve, Paul Mwilambwe a envoyé une procuration à son avocat, Maître William Wenga. Paul Mwilambwe pourra être à Kinshasa entre le 15 et le 20 novembre, selon nos confrères de Radio France Internationale. Il est 13h14 à Bujumbura et sur Isanganiro, le rappel des grands titres avant de nous séparer. Plus de 400 000 enfants ont abandonné l'école dans les provinces situées sur les frontières et s'extrayant de l'or, et cela durant la période 2012-2018 et malgré la gratuité des frais de scolarité et l'introduction des cantines scolaires. Vous avez suivi le coup de gueule du représentant légal de l'association Wafashewig, auteur de cette étude là-dessus, et c'est Jean Samandari. Les super-agents de l'UMICACH annoncent l'arrêt de leur travail à partir de ce 1er novembre. Ils ne sont pas d'accord avec leur partenaire Limitel sur le nouveau contrat. Les agents des systèmes des Nations Unies au Burundi vont appuyer le recensement général de la population, l'habitat, l'agriculture et l'élevage prévu en 2022. Annonce faite ce jeudi lors d'une table ronde organisée à l'intention des partenaires techniques et financiers en République démocratique du Congo. Le colonel Paul Mwilambwe accepte de comparaître dans l'affaire d'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Tshebeya en cavale en Belgique depuis quelques années. Paul Mwilambwe est attendu à Kinshasa entre le 15 et le 20 novembre. Voilà, il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.